bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, j'ai pour vous Big Big Train d'Angleterre, Sylvan d'Allemagne, Cyan d'Angleterre, Svintax Error d'Australie, Helmet of Gnats d'Angleterre, Buke and Gaz des États-Unis, Fragile d'Allemagne, The Sailing des États-Unis. Et le thème du quatrième segment de l'émission de cette semaine s'est consacré au prog de l'année 1972 avec Premiata Forneria Marconi d'Italie, Gentle Giant et Cannes d'Angleterre. Et on va conclure avec Les Ormes d'Italie. Nous allons débuter l'émission avec la formation britannique Big Big Train, qui vient de faire paraître son 13e album studio, qui s'intitule Common Ground, et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Apollo. Ensuite, le groupe allemand Sylvan va suivre avec un extrait de leur 7e et dernier album qui vient de paraître. L'album s'intitule One and Zero, et on va entendre la pièce Bit by Bit. On va conclure le premier bloc avec un groupe britannique du nom de Cyan. C'est un groupe qui a été actif entre 1993 et 1996 et on leur connaît 3 albums studio. Le leader du groupe, Rob Reed, de la formation Magenta, a reformé le groupe récemment avec, entre autres, Pete Jones de Tiger Moth Tales et qui a aussi joué en spectacle avec Camel dans les tournées précédentes. Et on a aussi le guitariste Luc Machen du groupe The Tangent. Ça, c'est pour reprendre et réenregistrer le premier album For King and Country qui est paru originellement en 1993. Et on va entendre la pièce The Sorcerer. Alors, sans plus tarder, voici Big Big Train. Thank you. glowing bright. Looking for his victims to join his army of the night. Look into his eyes, what a magical sight. The mist is starting to clear, his arms are open wide. Come inside and join me, let your imagination fly. Closing in. Close your eyes and imagine all your dreams come true. Fear starts within you, but there's nothing you can do. A light starts to glow, the light it turns to blue. Open sky all around, there's a new world waiting for you. Child being carried by a man with long white hair. work was done. But he stayed till he was older, watching over everyone. But when the wizard's time had gone, the wise old man didn't die. He sleeps with many other mystics, they're waiting for you and I. We'll be right back. could chill you to the bone. Don't turn around too quickly. You might not like what you see. A tall, dark, magical figure. The sorcerer. The sorcerer. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Avant de débuter le deuxième segment de l'émission, j'aimerais vous rappeler qu'avant la pause, on a entendu le groupe britannique Scion et c'est un groupe qui avait été précédé du groupe allemand Sylvan. Et on avait débuté le bloc avec la formation britannique Big Big Train. Maintenant, je vous invite à découvrir une nouvelle formation qui nous vient d'Australie. Il s'agit de Syntax Error. Notez que le Y de syntaxe a été changé par un V, de sorte qu'on prononce Syntax. Et ce sont quatre jeunes musiciens qui font du prog psychédélique et qui ont enregistré leur seul album il y a 2 ans. L'album s'intitule Message et j'en ai extrait pour vous la pièce Time in Reverse. Tout de suite après, on aura la formation britannique Helmet of Gnats. C'est un groupe qui existe depuis 1996 avec une production de 4 albums studio. Et on va entendre The Whiskers. Ça, c'est tiré de leur 3e album, High Street. Ça, qui est paru en 2010. Et on va conclure avec Buke and Gaz. Ça, c'est un duo d'Américains qui a produit 3 albums à date et qui, en 1921, s'est joint à So Percussions pour sortir ensemble l'album qui s'intitule A Record Of. Mais tout d'abord, on débute avec Syntax Error d'Australie. Thank you. Never. take your own advice and get to hold it in. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez trouver toute l'information là, concernant la musique qui est diffusée lors de l'émission sur la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, le troisième bloc contient seulement deux morceaux. Le premier, c'est une nouveauté du groupe allemand Fragile, qui vient de publier son deuxième album en 2 ans. L'album s'intitule Beyond, et la pièce que j'ai choisie, c'est The Golden Ring of Time. Et ensuite, ça va être suivi du groupe américain The Sailing, dont on connaît un seul album là, qui est paru en 2015. L'album, c'est Anniversary of Spears. Et ce que j'ai extrait pour vous, c'est la pièce Foolishly Adored. Alors, voici auparavant Fragile d'Allemagne. He's holding a bright golden ring. Then suddenly, without warning, he throws it out into the sea. I didn't see it lying, but found it lying on the sand the morning after. Mm-hmm. was light, but it was heavy, and it made a peculiar sound, like angels singing together. It was square and yet perfectly round. I couldn't understand what I was holding in my hand, but I was curious. I fell under while seeing my life flash through my head on the rerun. How I wonder what I'd do, what I did if I knew. Too late to change my mind. We'll be right back. trees are gone. I am someone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Comme j'ai mentionné au début de l'émission, le quatrième et dernier segment, il est consacré à un thème précis. Et cette semaine, bien, c'est dédié à la musique de 1972. En 1972, le prog là, était déjà bien lancé avec des super productions là, qui se succèdent là, sans arrêt depuis 1969. On a vu apparaître les Yes, là, Gentle Giant, Moody Blues et Genesis de Toutankhamon. Et c'est comme impossible de tout diffuser dans un seul segment. Alors j'ai réservé les quatre albums qui représente quand même assez bien la variété des styles qui émergent à ce moment-là. Il s'agit de Perron, Amico de Premiata, Forneria Marconi, Three Friends de Gentle Giant, Space Shanty de Khan et Umo di Pezza de Léormé. lights our laughs and tears. Through years of school and play they share as time never changes to kiss of the night. Its fairy beads reflected in the shining of your eyes. Can it be that there's so many that have been through this whole scene before? Our weary faces smiling with the energy that's left. Your flowing now has reached me, and I feel I've gotta stay. There's no need for a stop our thinking hours ago. Past us as we head the other way. across the dike of worry to a Nederland dream. A very special day, staring at the ground, for I knew not what to do. I turned all around and found myself in di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. « C'est sur cette très belle chanson de Léa Ormé, extraite de l'album Uomo di Pezza, que se termine l'émission de Rock de Neurone de cette semaine. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste mentionner que ça a été précédé de Khan, avec la pièce Driving to Amsterdam, tirée de Space Shanty. On a aussi Gentle Giant avec la pièce Prologue, tirée de Three Friends. Et on est débuté avec PFM, ou Premiata Forneria Marconi, et la pièce Appena un Po, tirée de Perun Amico. Et ça, c'est tous des albums qui sont parus en 1972. Étant donné qu'on n'a pas toutes les pièces de l'année 1972, je me réserve le privilège, dans le courant de la saison, d'y revenir à cette année-là. Et probablement aussi à d'autres années, parce que entre 70 et 76, disons là, qu'on a eu une émergence là, extraordinaire de nouveautés. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de 12h à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet là, à partir de SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche de SoundCloud pour accéder à l'émission de la semaine courante. Si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Et aussi sur cette page, vous trouverez un lien qui vous amènera à plus de 150 émissions archivées. J'en profite pour vous mentionner que je publie gratuitement une infolettre hebdomadaire qui recense les meilleurs albums de l'année en cours, en plus de faire la liste de tous les albums à venir. J'ai inclus aussi la liste de tous les spectacles à venir dans le domaine du rock progressif, en plus de vous donner la feuille de route de chacune des émissions qui s'en vient. Alors, tous ceux qui souhaitent la recevoir n'ont qu'à me le faire savoir en privé sur la page Facebook de Rock de Neurone, en n'oubliant surtout pas de me fournir une adresse courriel. Alors, c'est Jimmy Farley qui souhaite que vous avez passé un très bon moment et qui vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurone.